Proverbe chapitre 31. Les paroles du roi Lémuel, et l'instruction que sa mère lui donna. Quoi, mon fils? Quoi, fils de mon ventre? Et quoi, mon fils, pour lequel j'ai tant fait de vœux? Ne donne point ta force aux femmes, et ne mets point ton étude à détruire les rois. Lémuel, ce n'est point au roi, ce n'est point au roi de boire le vin, ni au prince de boire la cervoise. De peur qu'ayant bu, il n'oublie l'ordonnance, et qu'il n'altère le droit de tous les pauvres affligés. Donnez de la cervoise à celui qui s'en va périr, et du vin à celui qui est dans l'amertume de cœur. Afin qu'il en boive, et qu'il oublie sa pauvreté, et ne se souvienne plus de sa peine. Ouvre ta bouche en faveur du muet, pour le droit de tous ceux qui s'en vont périr. Ouvre ta bouche, fais justice, et fais droit à l'affligé et au nécessiteux. Aleph, qui est-ce qui trouvera une vaillante femme, car son prix surpasse de beaucoup les perles. Beth, le cœur de son mari s'assure en elle, et il ne manquera point de dépouille. Guimel, elle lui fait du bien tous les jours de sa vie, et jamais du mal. Dalet, elle cherche de la laine et du lin, et elle fait ce qu'elle veut de ses mains. I, elle est comme les navires d'un marchand, elle amène son pain de loin. Vo, elle se lève lorsqu'il est encore nuit, elle distribue la nourriture nécessaire à sa maison, et elle donne à ses servantes leurs tâches. Zajin, elle considère un champ, et l'acquiert, et elle plante la vigne du fruit de ses mains. Et, elle s'insérin de force, et fortifie ses bras. Tête, elle éprouve que son trafic est bon, sa lampe ne s'éteint point la nuit. Jo, elle met ses mains au fuseau, et ses mains tiennent la quenouille. Caf, elle tend sa main à l'affligé, et avance ses mains au nécessiteux. Lamed, elle ne craint point la neige pour sa famille, car toute sa famille est vêtue de vêtements doubles. Même, elle se fait des tours de lit, le fin lin et l'écarlate est ce dont elle s'habille. Nain, son mari est reconnu aux portes, quand il est assis avec les anciens du pays. Sa mèche, elle fait du linge, et le vent, et elle fait des ceintures, qu'elle donne aux marchands. Agin, la force et la magnificence est son vêtement, et elle se rit du jour à venir. Pe, elle ouvre sa bouche avec sagesse, et la loi de la charité est sur sa langue. Sed, elle contemple le train de sa maison, et ne mange point le pain de paresse. Kof, ses enfants se lèvent, et la disent bien heureuse, son mari aussi, et il la loue, en disant. Resh, plusieurs filles ont été vaillantes, mais tu les surpasses toutes. Saint, la grâce trompe, et la beauté s'évanouit, mais la femme qui craint l'Éternel, sera celle qui sera louée. Tô, donnez-lui des fruits de ses mains, et que ses œuvres la louent aux portes.